1er au 4 août avec, entre autres, Chromeo, Jamie Little, NGMT, The Kills, Sébastien Tellier, Buka Shade, Metronomy, DJ Funk, DJ Assault, Buzzy P et plus encore. 4 jours de festivités et plusieurs lieux à découvrir. La scène Meg au Festival Oshiaga, le Club Meg au Saint, le Divan Orange, le Laïka et le Meg Boat pour un party croisière le dimanche 4 août à compter de 23h sur le bateau Le Cavalier Maxime. Pour plus d'informations, visitez le www.megmontréal.com. Vous écoutez Choc FM. Je réitère, bonsoir, en manchette ce soir, on parle de pets de vache, de Pringles, de la non-planète Pluton et de scrotum. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Yeah. Ouais, je pense qu'on est en onde, là. Sur choc, ah, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc. FM, le 70%, l'émission continue d'informations très pertinentes. Hey, ça, c'est vraiment... Oh, il y a un chat. KFM? Oui, dans ta gorge. Un chat KFM. Ouh, et voilà, recyclage. Hey, je vais partir la trame sonore de fond. Excusez, c'est que j'ai comme des problèmes avec mes écouteurs ici à régie. Puis là, mais ça fait que je comprends plus ou moins des fois, ça passe une passable. Tout le monde est intéressé. C'est aujourd'hui, comme... c'est quoi la trame sonore? C'est ça, je vais peser play là. C'est Silent Hill. Ah, ben parfait. Oh! Un jeu qui me foutait vraiment la chienne parce qu'on entendait des rires d'enfants dans le fond, puis dans un jeu lugubre, les rires d'enfants, là, ça fout la chienne. C'est le premier jeu qu'on jouait en gang dans le sous-sol pendant la nuit, puis qu'on se battait pour pas avoir la manette, moi je m'en rappelle. Ah ouais, c'est bon ça. Ben excellent. Ouais, c'est bon ça. Ouais, j'avoue que le spectacle était bon. Uebol en a fait un film qu'on va sûrement mettre non, au non, non, c'est pas Uebol. Le premier, ben oui. Ah non, non, non, c'est chose... Ah c'est vrai, t'as raison. Mélange avec House of the Dead. Il est pas si pas bon que ça, fait qu'on le verra sûrement. C'est quand même assez pas bon, mais c'est pas. Ouais, donc. Sinon, de toute façon, ce qu'on veut, c'est se poser des questions. Puis à soir, on a de quoi d'assez solide. On a les Terminators de l'Anneau 3000, là, en italien, je sais pas c'est quoi. Sinon, en français, c'est les Exterminateurs de l'an 3000. Sinon, ben, c'est les Exterminators of the Year 3000. Ça a été voté. On est quand même avec un bon taux d'affluence à douteux.org. Je suis très content de tout le monde, on travaille fort. D'ailleurs, j'ai préparé moi aujourd'hui un petit texte qui explique comment je fais pour monter la programmation. Ça va être un disclaimer un peu là, comme j'ai écrit. Bah oui, pour expliquer aux gens que l'information pertinente est libre, ça marche. Et voilà. Ouais. Sinon, ben j'ai aussi des séquences des Exterminateurs de l'an 3000. Mm-hmm. Ah, de toute beauté. Bruno, tu nous as parlé de nouvelles, puis toi, mon Israël. Moi, je vais vous parler de l'information libre qui s'en vient, là. Et voilà. Donc, sinon, je vais mentionner le fait que Paprika, c'est un très bon film animé que tu m'as prêté, Israël. Merci beaucoup. De cette chicon. Et puis, j'en pouvais plus, moi, de remarquer la trame sonore de ce film-là. Une chanson vraiment, vraiment, vraiment originale. Je sais pas comment ils font, les Japonais. Moi, j'aime beaucoup les trames sonores des gros mangas, des gros animés là, comme Akira, j'adore le disque. Ghost in the Machine, ça date déjà de 10 ans, mais c'est encore actuel de nos jours, puis j'adore la trame sonore. El Hazard aussi, mais là, on va écouter... La tune de Paprika? C'est ça, Susumu Hirasawa, The Girl in Byakoya. Ah, elle est excellente, oui. C'est fabuleux comment qu'on peut faire du nœud avec du vieux, je sais pas, bravo. On est à 70%, sauf la tune qu'on va écouter ici, Susumu Hirasawa. On vous revient pour une nouvelle très pertinente. Oui.

Broche à foin et à fond ici dans le studio. Non, mais quand même, j'ai assez d'air, j'ai assez d'espace, j'ai ma trame sonore de fond. Je vais vous parler du processus de sélection, comment je choisis les films qui s'opposent chaque lundi au douteux.org auquel vous êtes de plus en plus nombreux à aller voter. Merci beaucoup de notre part, ça motive. Oui, oui, oui, tout à fait. Et voilà. Donc, comment je choisis les films qui s'opposent chaque jeudi, chaque lundi? Mon idée est simple, deux points. Pour m'assurer le droit à la surprise, je fais une programmation plusieurs mois à l'avance que je donne à nos fidèles techniciens de douteux.org. C'est eux autres, là, c'est des esclaves. Là, ils font ce qu'on lui dit quand on lui dit. Sinon, ce faisant, j'oublie les films à venir et je peux partager la surprise avec les gens. Je vote jamais, sauf en cas d'égalité pour départager. Et puis, c'est pas arrivé souvent. Et puis, ce n'est qu'après discussion, bien sûr, avec les bénévoles qui sont online sur MSN dans ce moment-là. La variété étant notre propos de base, je fais sûr de mettre des films votés semi-équivalent par nous au cours des années. Bon, la liste de l'encyclopédie, c'est évidemment l'objet de référence de base. Un document qui cumule... heures de travail et qui renferme toute la sagesse acquise durement jusqu'ici envers le domaine d'études. Le barème d'intérêt calculé est environ le même que celui décrit dans l'encyclopédie, c'est-à-dire que comme les moins 4 valent la peine d'être vus une fois, ben je me permets de les laisser de côté parce que je les ai vus, moi, ben, ou quelqu'un d'autre les a vus, pour leur donner la note de moins 4, ce qui est souvent c'est très peu débattable, là. En tout cas. Sinon, moins 5 et moins haut sont donc toujours mis en compétition. Bien sûr, on ne fait pas se battre une gnome mobile à Spider-Man japonais dans Leopard Man. C'est pourquoi il n'existe que rarement un écart de plus de 1 point entre les deux films en compétition. Parce que mettre Deadly Prey en compétition avec Mourir à tout prix, c'est comme la virilité de Samuel contre celle de Madness Ring. Tu sais, c'est comme la bédaine pour rien de Yakari contre celle de Mike Danton. C'est comme les bionics contre les Popples. C'est ouais. Comme, je sais pas, Mickey Mouse contre les Ghostbusters, mettons. Tu sais, ça s'oppose pas. Ce ne sont pas dans la même catégorie. Donc, okay. Le processus de sélection veut juste que tu fasses un combat équitable. J'aime ça, dit comme ça, c'est très, très, très ça. Oui, dans ma toute subjectivité qui tente vers l'objectivité, ben, je fais mon possible. D'ailleurs, à soir, c'est une très belle compétition. On a Michael Dudikoff dans le rôle des méchants, ça arrive pas souvent. Là, mais... En fait, l'autre film, c'était quoi d'ailleurs? C'est ça, c'est Gale Force contre Treat Williams. Ben, en fait, Treat Williams qui joue le héros contre Michael Dudikoff. Hey, ça a été une belle surprise. Oui, je m'attendais à rien quand j'ai pesé. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais tout seul en plus. J'ai été crampé. Fait que c'est ça. On va l'écouter une autre fois. Je suis sûr et certain. Bruno, tu vas nous garrocher de la nouvelle qualité. Tu voulais une nouvelle magique? Ah oui, moi, je veux de la magie. D'accord. Des scientifiques en Argentine étudient les effets du méthane produit par l'agriculture sur le réchauffement planétaire. Pour mesurer la quantité de gaz qui sort, disons, d'une vache, la dite vache devra porter un réservoir rose sur son dos qui accumule ses flatulences. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, semble-t-il que chaque vache produit entre 8000 et 10 000 litres de méthane chaque jour. Moi, je trouve que c'est des gros chiffres, ça. À 8000 et 10 000, ça commence à être des gros chiffres, je suis d'accord avec toi. Avec 55 millions de vaches au pays, l'Argentine étant un des plus gros exportateurs de bœuf au monde, les chercheurs ont découvert que le méthane des vaches est responsable d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre au pays. Mais ça me fait penser à la théorie qui a été longtemps soutenue que c'était les dinosaures qui avaient causé leur propre perte en pétant. En pétant, ouais. Donc le méthane animal est une source de plus en plus pas considérable, ben pas inconsidérable de pollution. Puis nous autres qui encore pètent. J'ai rien compris. Mais sur le Darwin Award, on apprend qu'il y a un gars qui est mort parce qu'il a trop pété dans sa chambre close. Pis ça, c'est toute beauté. Pis c'est vrai, c'est arrivé, là. Il est mort d'une intoxication au méthane pendant son sommeil. C'est vraiment arrivé, hein? Non, je... je vais me permettre ici, donc... Avant de passer au douteux de la semaine, merci Israël. Merci, on va écouter ici les gars de South Park qui vont être live au festival juste pour rire. La balade de Lemmy Winks. Ah, cool. C'est triste, on va revenir avec des extraits des exterminateurs de l'entremet. Il y a un gars qui s'est tué à force de péter dans sa chambre fermée. Ouais. Israël, t'es un totem. Merci. great adventure is waiting for you ahead. Hurry onward, lemmiwinks, or you will soon be dead. The journey before you may be long and filled with woe, but you must escape the gay man's ass so your tale can be told. Lemmiwinks, lemmiwinks, lemmiwinks, lemmiwinks. Lemmiwinks journey a distance far and fast to find his way out of a gay man's ass. The road ahead is filled with danger and fright, but push onward, lemmiwinks, with all of your might. Lemmiwinks, you are coming to the entrance of the small intestine. There you must seek out the Sparrow Prince. The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead. Don't look back, lemmiwinks, or you'll soon be dead. Lemmiwinks, lemmiwinks, the time is growing late. Slow down now and seal your fate. I am the Sparrow Prince. Long has my spirit been trapped within this place. Before you lies the maze of the small intestine. One path leads to the stomach, the other to certain doom. Take with you this helmet and torch. Let them be your guide. Take the magic helmet torch to help you light the way. There's still a lot of ground to cross inside the man so gay. Ahead of you lies adventure, and your strength still lies within. Freedom from the ass of doom is the treasure you will win. Came to the stomach dark, beneath the depths of the lungs and heart. You chose your path wisely, Lemmiwinks. I am the catatafish. Catatafish of the stomach's cove. If you answer this riddle, the esophagus will let you pass. Catatafish's riddle will soon be told. Lemmiwinks. Thanks to you, we are all free. But your adventures are just beginning. For you are no ordinary gerbil, Lemmiwinks. You are the Gerbil King. All hail the Gerbil King. Now that you're the Gerbil King, there's more adventures to go on. Fly away to faraway lands into the setting sun. There's still so many enemies and battles yet to fight. For Lemmiwinks, the Gerbil King, to be told another night. Épisode très fucké de South Park en fait, vu celui-là. Oh, ouais, moi j'avais entendu dire à un moment donné que c'était une des affaires qui s'était fait le plus demander en fait de faire d'autres épisodes de Lemmiwinks. Aïe. Ou de faire une série de Lemmiwinks. Lemmiwinks, ouais. Le fighter à l'intérieur de Mr. Slave. Bien ouais. Sûr, oh. Il y a une référence dans That's My Bush à un moment donné aussi, avec George Bush qui regarde Lemmiwinks à la télé. Aïe. Quel cosme, bien sûr, Trey Parker et Matt Stone. Ouais. Ah, excellent. Moi, j'aime tout ce qu'ils font. Ouais, à date, nous aussi. On n'est pas des gros pivots. J'irais même jusqu'à dire que ça ne fait que devenir meilleur. Ah, ben oui. Ah, c'est impressionnant. Puis quand ça fait ça, on le sait que c'est hot. Alors, je me suis permis ici de mettre le thème de La Petite Maison dans la Prairie parce que, en fait, je ne parlerai pas beaucoup du film de ce soir, parce que c'est un post-apocalyptique italien de 1983. Avec des hommes qui recherchent des femmes fertiles, de l'eau puis une source d'énergie. Et ça arrive. En 1983, ce qui arrivait aussi, c'est que quelquefois, des Italiens se donnaient un pseudo pour exporter leur création cinématographique. Pour vrai, ça l'arrivait, ça? Ça l'arrivait en 83. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, c'est sûr, man. Puis sinon, ben, en 1983, ça arrivait aussi que des Italiens fassent des films d'1h30 basés sur le doux concept de post-apocalyptisme. Cette fois-ci, bien sûr, c'est Giuliano Carnimeo. Comme Car... AKA, bien sûr. Oh non, pas encore un pseudo. Akoa, fais pas sembler d'être outré. Akoa, checkez bien ça. Akoa, Jules Harrison. Akoa, n'importe quoi. On le connaît aussi sous les pseudos suivants, soit Anthony Ascott ou Anthony Ascott avec deux T à la fin d'Ascott. Mais bon, c'est la personnalité de Jules Harrison qui était responsable du corps de Monsieur Giuliano Carnimeo quand il a réalisé l'excellent Les Exterminateurs de l'an 3000. Mais sinon, ben, je vais laisser le film un petit peu de côté là, pendant que ça finit, puis c'est beau, puis c'est triste. Puis je vais en profiter pour étaler ma connaissance générale et tenter d'éclairer la lumière des cinéphiles que vous êtes à propos du de que c'est, puis tout, de comment, de pourquoi, des pseudos. Hein? Ouais. Ben, t'sais. Bon, vous connaissez les 7 majors américains du cinéma? J'espère que oui, parce que sinon on en parle une autre fois. Ceux qui sont pluggés direct sur l'équivalent américain du RTC, ben c'est les 7 majors américains. C'est les 7 compagnies à qui on doit la majorité du profit qui est fait avec des films diffusés et vus sur les écrans de n'importe où sur la planète Terre. Fait que si tu viens sur Mars, ben je sais pas, j'ai pas de statistiques sur ça. Sinon, ben jadis vers 1916, les lois de distribution des produits audiovisuels, ben c'était un petit peu n'importe quoi, on s'en doute. Hein? Sinon, ben il y avait aucune loi qui était entre les pays, puis encore moins entre les continents. Fait qu'en 1916, quand ils se sont aperçus de ce que c'était pour devenir, ben tout le monde s'est rencontré. Puis, à force de prouesses diplomatiques, les Américains ont réussi à faire passer deux clauses importantes qui changèrent, pour toujours ou du moins jusqu'à maintenant, le cosmos culturel de la race humaine au complet. Et puis là, ben, vous allez voir, c'est super simple. C'est que, un, les Américains ont réussi à établir des lois d'échange de produits cinématographiques en fonction des continents, pas en fonction des pays. Ce qui veut dire que quand il y a un film américain qui s'en va en Europe, ben il s'en va dans tous les pays d'Europe. Mais s'il y a un film polonais qui va être distribué aux États-Unis, en échange, ça prend un film américain qui va là-bas. C'est sûr, ça inclut le Canada, mais en tout cas, on sait ce qu'on vaut. Hein. Sinon, ben c'est ça. Deuxièmement, ils ont réussi à établir que la provenance d'un film se décidait par la provenance des fonds qui l'ont financé. Ainsi, on peut catapulter de l'argent dans un bureau en Sicile, bureau tenu par un singe et un autochtone édenté. Pourvu ouais. qu'il soit capable de répondre au téléphone puis de dire le boss c'est pas là. Il finance, ben c'est ça, on y met de l'argent là, puis à partir de là, on finance des western spaghetti ou autres retours de filles de post-Vietnam kidnappées apocalyptiques de dernière mission. On tourne ça aux États-Unis et puis après ça, on l'envoie en Italie pour être monté. Puis après ça, ben il revient aux États-Unis, c'est de toute beauté. Donc ça fait que l'Italie qui envoie un film en Amérique du Nord, ben là, l'Amérique du Nord peut envoyer un film ailleurs. Ben oui. Donc, on comprend que les pseudos, c'est une façon bien moderne de donner du vintagisme en toc à n'importe qui ou n'importe quoi. C'est également grâce à ce congrès, ben en fait, ça a été nommé le congrès des dupes avec le temps, parce que l'Union européenne s'est rendue compte qu'elle aurait dû exister avant d'aller signer ça, puis qu'elle s'est faite entuber solide. Ben, c'est ça, les pseudos, c'est une façon bien moderne de donner du vintagisme en toc à n'importe qui ou n'importe quoi. C'est donc également grâce à ce congrès que le président actuel de la MPAA, le très désirable et désiré Jack Valenti, a déclaré, ça c'est assez de toute beauté, vous allez voir, le public doit choisir, ça je suis pour. Nous dominons les écrans du monde, non grâce à nos armées, nos baïonnettes ou nos bombes nucléaires, mais parce que nous montrons sur les écrans étrangers ce que les gens de ces pays veulent voir. Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Comment c'est commencé? Je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas. Sinon, ben voilà donc un tout petit cours d'histoire. On parlera de grappling et d'oligopole illégal une autre fois. Tant qu'on se souvient que le génie de la colonisation culturelle américaine, c'est un peu comme tous les fast-foods à côté de McDo. Personne ne propose quelque chose de réellement différent. Tout le monde a hâte que le numéro 1 s'en aille pour prendre sa place et offrir la même chose, parce que la recette du succès cinématographique a été calculée, j'ai bien l'impression. Hein? Ouais. Donc, on va se saucer dans les premiers extraits, parce que c'était mon introduction sur les exterminateurs de l'an 3000. Mais t'avais pas besoin, t'as déjà fait 3 émissions là-dessus avant les visionnements, fait que ben, si les intéressés sont intéressés, ils peuvent toujours aller voir dans les archives. Voilà, sinon, ben, on va en reparler un petit peu de tantôt encore. Pour l'instant, on va se plonger à la 13e minute. C'est les premières phrases prononcées. C'est beau, pareil. Hein? C'est beau. Des fois, il y a des concepts. Il y a des épisodes de Dexter ou Dion Flux qui parlent pas pendant 20 minutes. C'est concept, c'est bon. Ouais. Même, ça l'est un petit peu moins, là. Donc, les micros sont ouverts, on peut dire ce qu'on veut. J'ai soif, hein, Gigi? Ben oui, Gigi, c'est une gerboise. Reste tranquille. Quand papa reviendra, on aura toute l'eau qu'on voudra. J'espère. Donc, on vient de comprendre la thématique. C'est l'eau pure dans le futur post-apocalyptique. Tommy, tu viens jouer avec nous. Ah, allez, viens. C'est non, laid, hein. J'ai pas envie. Allez, c'est pas la peine de rester ici. Ton père ne reviendra plus. Il reviendra au contraire, et avec lui, plus d'eau qu'il ne faudra. Tommy, tu te fais des illusions. Si ton père a trouvé l'eau, il la gardera. Si tu redis ça encore une fois, je te casse la gueule. Tout le monde dit ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, mon père dit que c'est un traître. C'est pas vrai. C'est vrai. Ton père est un traître. Donc, le jeune Tommy qui fait face ici aux affres de ses collègues de classe. Comme les enfants sont cruels. Oui, donc, cause personnelle, 2 points. Lorsque la motivation du héros est de source émotionnelle très proche, frère, sœur, petite copine, mère, père, un de ces individus aura à souffrir pour que le héros décide de finalement assumer sa position de vecteur d'action et de développement principal du long métrage. Dans ce cas-ci, celui pour qui c'est personnel, c'est le jeune Tommy. Qui est un cyborg, on l'apprendra plus tard, mon choix. Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Il a le même nom que toi. Ils disent que papa est un traître. Oui, mais lui, avant. Qui dit ça? Ah non, c'est pas vrai, je suis né en 78. Ce n'est pas vrai. Un long extrait ici de 3 minutes, vous allez vous saucer dans l'univers des exterminateurs de l'an 3000, rencontrer le major vice-président. On va fermer les micros parce qu'il faut que j'aille faire un match de pouce avec Bruno. Je comprends. Mais je vais aller en parler au sénateur. J'en ai plus qu'assez d'entendre ces ignobles calomnies. Mais papa, il va revenir, hein? Bien sûr, Tommy, il reviendra. Et il rapportera l'eau dont nous avons tant besoin. Quelle est la situation? En 3 jours, l'humidité a diminué de 30%. Et ça empire. Si Fred n'arrive pas avec l'eau, tout le travail accompli jusqu'à maintenant sera perdu, croyez-moi. Il reviendra. Espérons-le. Mais je suis de plus en plus inquiet. Il y a plus d'une semaine qu'il est parti, il devrait déjà être de retour. Sénateur, laissez-moi partir. Inutile d'insister, John. Nous en avons déjà parlé. Je ne puis risquer la vie d'autres hommes ni d'autres véhicules. Et si Fred ne devait plus revenir? Tu en doutes? Vous n'avez pas pensé à ça, sénateur. Je préfère ne pas y penser. Linda, ne te méprends pas. Fred est mon meilleur ami et j'ai une confiance complète en lui. Mais s'infiltrer à plus de 180 000 dans les territoires défendus, c'est pas une blague. Des bandes d'exterminateurs battent le désert, jour et nuit. Et Fred est parti sans escorte. Sénateur, moi aussi, comme Fred, je connais la route pour arriver à l'eau. Non, John. N'insiste pas. Sénateur, y a-t-il? La nappe s'épuise. Regardez, de la boue. Il n'y a plus que de la boue. Le moment que je craignais est arrivé. Et malheureusement, nous n'avons pas les moyens de chercher une autre nappe. Mais nous ne devons pas fléchir. Nous devons résister. Espérer. En quoi, sénateur? Que Dieu reconstruise l'équilibre atmosphérique détruit par l'atome et nous redonne le ciel d'autrefois avec des nuages et de la pluie? Tout est possible pour qui a foi en la vie. Tout. Même un miracle. Oh, ben, Colin. C'était pas inclus dans Fred peut revenir aussi d'un moment à l'autre. Inutile de rêver, vous le savez comme moi. Les plantes et les quelques animaux que nous avons réussi à sauver sont en train de mourir. Inutile de rêver. Et quand arrivera votre miracle, sénateur, nous ne serons plus là pour le voir. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en prie, sénateur. Laissez-moi essayer, laissez-moi partir. Tronche de cake. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'on veut un film d'une heure et demie basé sur rien? Ou est-ce que le gars va crever dans son boy bunker post-apocalyptique? C'est d'accord. Ah ben... Au point où nous en sommes, il ne nous reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. Ben oui, ben. C'est sûr. De quoi as-tu besoin? D'une citerne et de 2 camions. D'accord. Je vais dire à Taylor de les préparer. Taylor. Je sais pas c'est qui On Taylor. On part. Bravo, John. C'est le gars qui prépare les citernes puis les camions. Et voilà, John, on va écouter ici un petit bout de Doc Savage, qui est un petit peu comme John, celui qui s'en va chercher de l'eau. Ah, Tommy veut y aller. Tommy veut retrouver papa. C'est pas possible cette fois, Tommy. C'est trop dangereux. C'est trop risqué. Vas-tu rentrer par infraction? Il va se ramasser là pareil. Mon taquet, oui, t'as brisé mon punch. Oh, mais Colin, fait qu'on va écouter Doc Savage qui aurait été l'homme de la situation. Park 2. Oui, mais mieux. Voici Doc Savage. Doc Savage arrive. Jour de joie, car l'homme de bronze est là, c'est l'ami des mauvais jours. Doc Savage, pour vous tous, il se dévoue. Il combat pour vous. D'accord, alors on continue en nouvelles. La Bala Powder, qui porte très bien son nom d'ailleurs, est un talc parfumé pour le scrotum. Elle coûte environ 15$ sur Amazon. Voici un extrait de la description du produit. Bala Powder pour homme est une solution anti-friction, anti-humidité idéale pour le scrotum. Garantie pour la prévention du redouté Batwing syndrome. Alors ça, le Batwing syndrome, je sais pas si vous savez ce que c'est. On sait que c'est redouté. Ouais, c'est redouté. Est légèrement parfumé pour quiconque voudrait avoir des activités dans vos parties intimes. Bala Powder peut aussi être utilisé entre les fesses et sous les bras. Le Batwing syndrome, j'ai fait de la recherche. Le Batwing syndrome, c'est quand le sac se colle après la cuisse. Ça arrive, ça? Ouais, pis c'est redouté aussi. Ouais, faut pas se laver. Hein. C'est quoi? Ben, il faut vraiment que tu te lèves pas pendant 8 jours. Ou tu sues beaucoup, je suppose. Aïe, c'est. Ouais, tu veux pas que ça arrive? Ouais. Batwing, pis là, on comprend. Ouais. C'est beau, la vie. Merci, Bruno. Colin, toi, Israël, t'as-tu une petite affaire que tu veux nous jaser? Ouais, je vais vous parler de l'information démocratique, en fait. En fait, j'ai appris récemment, pis ça, c'est une nouvelle que j'ai su à cause que du monde qui ont filmé. Il y a des agents infiltrateurs dans les manifestations. Je vais raconter vite fait. Il y a du monde qui s'en va dans des manifestations pacifiques. Puis pour que les polices puissent faire le travail plus rapidement, ils se mettent à lancer des roches vers la police. Fait là, tu veux dire c'est des agitateurs payés par l'État pour aller comme mettre le trouble. Mettre la marde pour que la police range la manifestation puis qu'on n'en entende plus parler. Oh. Mais là, récemment, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé ça, puis la manifestation où ce qu'il y était, ils se sont rendus compte que c'était du monde infiltré. Fait que là, ils ont dit les infiltrateurs, agents infiltrés. Nous autres, on voulait faire une manifestation pacifique, puis on voulait pas lancer de roche à la police. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un semblant d'arrestation, mais on a tout filmé ça, puis on voit très bien qu'ils se font pas arrêter vraiment. Ailleurs, sur YouTube, à ce qui paraît. Ouais. Fait qu'à cette heure, justement, à cause que tu peux filmer tout ce qui arrive avec ton cellulaire et ou avec ta caméra numérique, là, après ça, le surlendemain, TVA ou ben SRC n'ont pas le choix d'en parler de ces kits truqués-là qui nous arrivent dans la vie, des briseurs de manifestations. Tu sais, c'est vraiment dégueulasse là, pour le monde qui revendique de quoi. C'est pas super. Fait c'est que justement, super. J'incite tout le monde, puis c'est vraiment ma première chronique activiste, je pense, à traîner le caméra et le cellulaire, puis filmer tout ce qui va te croche, puis après ça, on crée ça sur YouTube, puis après ça, on peut peut-être changer le monde. Et boy. Démocratisation de l'information. YouTube comme vecteur de changement, comme casse personnel. C'est con, mais ça marche après, parce que tout le monde peut le savoir. Tout le monde est au courant. Mm-hmm. Parce que comme tu l'as dit, puis qu'ils l'ont dit dans le film pas bon, il faut que le monde sache. Hein? Il faut que le monde sache. Parce qu'à cette heure qu'on peut savoir que si on va dans une manifestation puis qu'il y a des agents infiltrateurs puis qu'on réussit à les démasquer, il va falloir trouver d'autres... Il faut attendre plusieurs différentes personnes et le bon moment pour péter les plombs en manifestation. Tout à fait. Puis en plus, il y a eu trois vrais riots à Montréal. Je nomme Canadien 93, Metallica qui annule le show avec Guns N' Roses qui chie dans la pelle. Puis aussi le riot d'Exploited, passe pas aux douanes. Puis j'ai connu des gens qui étaient à ces manifestations-là. OK. Puis il paraît que les polices, vu que c'était pas contrôlé, avaient la chienne. Là. Ben ouais, c'est normal aussi là, une foule qui est en motadine, ben là, oui. C'est, ça doit inspirer au minimum ou dans une de ces instances là qui est super contente. Ouais, aussi hein, ça fait peur, ouais. Ça. Ouais. Hey, fait qu'on est rendu à quoi, là? Nouvelles, moi, j'aimerais ça. OK, ouais. On continue, on fait des nouvelles. Je vais faire un bloc affaires qui sont plus ce qui était. Excellent. Alors, le juge Warren de Grande-Bretagne a décidé cette semaine que les Pringles n'étaient pas des chips de patate pour des raisons de taxes. Ça n'a pas l'air de chips, ça n'a pas la texture des chips et ça ne goûte pas les chips, a-t-il affirmé. Les Pringles ne sont même pas faites avec des patates. Hein? Même si elles le sont. Okay. L'avocat de la compagnie argumente, les chips donnent la sensation croustillante sous la dent et doivent être démolis en morceaux en les mâchant. C'est complètement différent avec les Pringles qui sont faites pour fondre sur la langue. Warren était d'accord et a décidé que les Pringles n'étaient pas faites de patates pour des raisons de taxes. Il n'a pas dit de quoi elles étaient faites, mais elles sont exemptées de taxes, en tout cas. Fait que alors, les Pringles, c'est quoi? Les Pringles. Ah, je veux dire les Crispers après. Ah, les Crispers, ça, c'est un autre histoire. Un autre domaine, ça, ouais, on en parlera une autre fois. C'est comme Pluton qu'on va parler là. Bonne nouvelle, donc, pour les amateurs de la non-planète Pluton. L'objet spatial qui s'est fait retirer son titre de planète il y a 2 ans va bientôt revenir sur la map en donnant son nom aux objets spatiaux de même taille ou de taille similaire. Ça va être des planètes Pluton. Ça va être à partir de dorénavant, donc, les astronomes nommeront ces objets des Plutoïdes. Oh, c'est gentil. Ouh. Plutoïde, en l'honneur de cette non-planète, ce sont les mêmes astronomes qui l'avaient downgradé il y a 2 ans au titre de naine. Il est tabarnak, toi. Ben, qui vous laisse faire pardonner, je pense. Mais plutonoïde, ça aurait été là. Ça aurait été comme planétoïde, mais plutonoïde, moi, du coup, ça en fout. Ouais, mais je pense que ça vient du mot en anglais Pluto. J'avoue. Bon, en tout cas, bravo à la plus loin du planète du système solaire. Ou non planète. La plus loin du système solaire. Elle a quand même un satellite, par exemple. Ouais, mais c'est très. Vague. C'est très semi, son satellite aussi. Il y a comme une orbite bizarre. Tu m'en retourne au film tout de suite. Vas-y, on est en forme. Donc, bon, de retour au film, j'ai pas vraiment besoin de vous en parler comme je parlais tantôt. Vous l'avez déjà vu, même si vous l'avez jamais vu. Donc, surtout pour les vétérans de ma carrière de MC bénévole, puisque c'est la 3e fois, comme disait Israël tantôt, que les exterminateurs de l'an 3000, je présente des extraits ici. Donc, les exterminateurs de l'an 3000, c'est non seulement dans le top 28 des titres de films que j'aime le plus dire. Mais c'est aussi un post-apocalyptique italien du début des 80s qui représente impeccablement son domaine. En gros, ça veut dire que le héros est antipathique, que le monde est divisé en 2 tribus barbares opposées, qu'on va avoir du pit de sable pas mal plus que du building, qu'on cherche de l'eau pure, que les chars sont de vieilles familiales ou des dune buggy, les seuls véhicules apparemment capables de résister à une 3e guerre mondiale nucléaire qui donne des radiations à la Terre que seule la mort du boss des méchants aux mains du héros arrêtera. Sinon, il y a une babe fertile, catapultée dans le scénario. Le héros, qui va recevoir la babe en pleine face, se bat bien sûr avec le montage autant que son physique dangereusement sur le bord d'être en bédaine pour rien. On a aussi un demi-lune pour qui c'est personnel et qui sert de lien affectif entre le cave, le spectateur et l'intrigue. Vous reconnaîtrez aussi le génie d'ingénieur qui souffre immanquablement d'un handicap diégétique évident. Ici, dans les exterminateurs de l'an 3000, la particularité du génie d'ingénieur qui se fait tuer avant la fin pour ajouter au sépersonnalisme, c'est qu'il est vieux. Il est vieux. Ça arrive. Ah, puis il y a les noms aussi. Hein. Il y a Alien, il y a Crazy Bull, il y a Trish, il y a Tommy, il y a Papillon. Tous des noms très laids qui, virgule, associés à l'exhaustive énumération d'avant, confirme l'italianisme du post-apocalyptique de ce soir. Ça sera vraiment, vraiment visqueux. Donc, t'as tué mon punch, Israël. C'est quoi qui est arrivé? Ouais, le petit gars va rentrer par infraction dans un des 2 bolines citernes, puis il va entrer dans la mission malgré tout. Je veux savoir où est-ce que mon père. J'ai rien à redire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard pour revenir en arrière. Il faut l'emmener avec nous. Ah non. Ben oui. Tu te rends compte? Je te jure. C'est arrivé combien de fois, ça? Je vous ennuierai pas. Je resterai bien sage. Mais si c'était une promenade, je ne me ferais aucun souci, Tommy. Mais ce n'est pas le cas. On peut nous attaquer d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? Mon porte-bonheur. Espérons qu'il fonctionne. On en aura bientôt besoin. On se fait attaquer. Regarde, John, ils sont derrière nous. Ah! Finalement, c'est un moment-là plus que l'autre. Faites une chance qu'ils n'ont pas suivi ma suggestion que j'allais faire. Faites juste le domper sur le bord de la route. Bon sang, c'est Crazy Bull, le pire de tous. Oh, c'est Crazy Bull, c'est le pire de tous, c'est le pire des chevaliers du désert infini. Donc on va aller un petit peu plus loin là, parce qu'on subira pas toute l'espèce de poursuite infinie. Parce qu'il y a comme 4 minutes de diégèse du film. Il y a 4 minutes de film entre le moment où les héros ils viennent de s'apercevoir qu'il y a Crazy Bull, le très méchant des méchants, qui lui court après, et ce que le gars va dire là. Réaction, man, faut agir. Sur ce maudit champignon de merde! Oh, sapristi, j'y avais pas pensé, moi. Chance que t'es là, toi. Ah, oh, ben oui, les méchants nous courent après au accéléré, mais attends 4 minutes de film avant de me le passer comme suggestion. ce qui arrive, c'est que là, le héros qui s'appelle Alien dans ce film-là, il aurait pu s'appeler autrement, mais là, il s'appelle Alien. Le héros, dans les 13 premières minutes, qui avait pas de blabla, se fait pogner avec l'exterminateur. L'exterminateur qui est le char qui va la Crazy Bull, on va l'apprendre tantôt. Et surtout, on s'en fout. Donc, la rencontre entre le demi-lune et Alien. Donne-moi, c'est tout. Ça te ferait du mal d'en boire trop. Encore un peu, juste une goutte, je t'en prie. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? On parle-tu d'eau, là? Ben oui. Oui. D'eau, je ne donne pas mon eau sans rien contre. Écoute, petit. Je m'appelle Tommy. Ok, ok, Tommy. Garde ton eau. Et maintenant, donne-moi le cric là-bas, juste derrière ces trous. Aide-moi à sortir d'ici. Que me donnes-tu en échange? La promesse de ne pas te tuer tout de suite, compris? C'est pas vendeur. C'est pas une bonne affaire. Non. Ouais. T'as pas autre chose? Non. Des bonbons? Mais j'ai ma voiture. La messe. La plus puissante de toutes les terres interdites. Ah. L'exterminateur. Tadam. Ça me plairait de l'avoir? Tu sais conduire un camion citerne? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est pour y mettre de l'eau. Je sais où il y en a. S'il y avait de l'eau dans le coin, je le saurais, garçon. Je t'assure, il y en a, alors tu me crois? Non. Ben oui, j'ai ramené des arguments. Je mais ne sais pas. C'est où que ces gens-là prennent leur eau? Aide-moi à sortir de là-dessous. Et je viendrai est-ce avec qu'ils toi. Ont de l'eau ou il faut qu'ils aillent en chercher? Il y a des restants. Affaire conclue. Affaire conclue, donc il l'aide à sortir et puis il y a une alliance ici qui vient de... Je sais pas, man. Il y a pas de restants nulle part. Ils en mettent dans leur radiateur de Dodge 79 qui s'appelle l'an 3000 aussi, là, je veux dire, ça la vie, là, faut que tu... En tout cas. Donc, on est dans un post-apocalyptique. Post-apocalyptique, 2 points. À un moment donné, après la 3e guerre mondiale nucléaire, les quelques survivants de l'humanité vivent en petits groupes, souvent barbares, qui se retrouvent en compétition pour soit de l'eau, soit une source d'énergie, soit des femmes fertiles. Ce soir, on a de l'eau. Donc, Alien vient de se dégager. On Alors, va les écouter discuter. Tu pourras marcher? Hé! Hey! Ça fait pas partie de notre marché! Alien ne fait jamais de marché avec personne. Et non, ouais. Alien a beaucoup trop d'amis pour faire des marchés avec qui que ce soit. J'ai un petit dernier bout d'extrait ici avant de s'en aller en chanson. On va aller... parce que dans le fond, tu sais, c'est ça, le petit jeune, il a beau être un petit jeune, lui, il s'appelle Tommy pis tout, là, la vie l'a pas aidé, mais dans la vie, il est rusé, comme. Il y a plus d'une heure que je t'attends, tu traînes. Ah, c'est ça, il est allé au devant de Alien. T'en as mis du temps. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'avais dit que tu allais vers l'Est. Eh ben, on a changé d'avis, c'est tout. C'est défendu? Non, ce qui est défendu, c'est de croire que tu vas pouvoir me casser les pieds trop longtemps. Yeah. C'est défendu, c'est dit. Non, il n'y a plus d'eau dans la canisse. Tout le monde le sait que ça prend de l'eau. Alien, aide-nous donc. Écoute, en tant petit, que héros patibulaire. Est-ce que tu connais exactement l'endroit où on peut trouver l'eau? Ah. Mm-hmm. Ben, est-ce que c'est loin? Pas très. Dialogue vers pertinent. L'ouest, c'est ça? Non. À l'est, alors? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance en moi? Je boirai pas tout seul. Mon père est mort pour cette eau. Et je dois réussir à la ramener pour les miens. Mais aussi en souvenir de mon père. Je comprends. C'est personnel. Si je t'accompagne, qu'est-ce que je gagne à part un coup à boire? Un jour, la terre recommencera à fleurir. Quand tu auras tué les derniers boss. Et grâce à toi, si tu veux m'aider. Ça ne te suffit pas? Non. Ça ne suffit pas. Ah, ouais. Tu es un barbare, Alien. C'est là la différence entre toi et sa réponse. Dans notre putain de monde de merde, les barbares aussi sont nécessaires. Parce que sans moi, tu ne réussiras jamais à retrouver ton eau de malheur. On en reparlera. Ça va. J'ai hâte. Quelle peste tu fais à propos de ton contrat. Je donnerai ma réponse quand on sera arrivé. Quand on sera arrivé, on ne sait pas où. Allons-y. Salut, Alien. Et donc voilà, c'est Crazy Bull ici qui vient de découvrir Alien, mais ça va être une séquence pour tantôt. On va écouter The Birds et Jesus is just alright. Cool. C'est ça qui mérite au minimum. C'est une bonne tune ça. On va revenir après. Certain. Ouh, avec Silent Hill. Mmh. Oui, toujours. Je vais me permettre de lire ici le disclaimer, là, l'espèce. Je vais l'appeler motivation de douteux.org. Je vais faire ça synthétique un petit peu, là, passer au travers au plus vite parce que je pense que c'est important. Donc, cynique, c'est un adjectif. Même forme au masculin et au féminin. Pluriel, cynique avec un S. Définition qui s'oppose de façon provocante aux opinions couramment admises. C'est péjoratif, bien sûr, qui manifeste un immoralisme provocateur ou des individus cyniques, bien sûr. C'est aussi un mouvement philosophique, mais on n'embarquera pas là-dedans. Le cynisme, c'est partie inhérente du travail de scientifique. Mettre en doute les découvertes, combattre des idées préconçues, former des hypothèses originales, ne rien prendre pour acquis et toujours se laisser place à l'erreur. Si ce texte introductif commence par une définition du cynisme qui en vaut une autre, c'est pour mettre en relief la motivation des gens de douteux.org. Oui, nous faisons un travail d'archivage important, qui permettra à plusieurs créations médiatiques de survivre au temps. Mais, et c'est ça la motivation, nous avons la conviction que le travail de réflexion sur ces objets culturels en est un primordial. À douteux.org, nous assumons que ce que le consensus culturel social considère comme valant le moins la peine d'être conservé devient une création indispensable au bon développement de l'humanité. Nous sommes convaincus que le soi-disant moins haut de gamme est un aussi bon reflet de la réalité dans laquelle il fut créé que le prétendu haut de gamme. Ensuite, on peut parler de la visée éducative du mouvement. C'est dans la notion de bon sens critique que se trouve toute la portée pédagogique de douteux.org. Les médias nous envoient de l'information, à nous de la décortiquer. L'écoute du douteux aide sans contredit à développer son sens critique, arme indispensable face aux armées médiatiques désireuses de nous gaver d'informations, à leur sens, toujours pertinentes. D'autant plus que, si on se fie à la définition tout en haut, développer son cynisme face aux médias majeurs ne peut faire de mal. À personne. En plus du développement du sens critique, l'univers de douteux.org promet des expériences culturelles stimulantes. Les objets que nous étudions et archivons, les choses douteuses, sont aussi loin de l'absence de stimulation que ce qui se fait de mieux. Et, aussi vrai que la vallée n'est évaluable que depuis la montagne et vice-versa, on ne peut mesurer l'amplitude du potentiel culturel humain sans s'attarder à comprendre ce qui n'est pas considéré comme le mieux autant que ce qui est considéré comme le mieux. Ajoutez à toutes ces bonnes raisons l'esprit de discussion qui règne autour de tout ce qui touche à douteux.org et vous aurez la meilleure réponse à la crise culturelle grave qui sévit sur Terre. Si vous n'êtes pas convaincu, ben dites-vous que Oprah et ses filiales font plus d'argent par année qu'un trop bon pourcentage des pays sous-développés. Tout à fait. Et voilà, c'était le disclaimer. Ça a été beaucoup plus difficile à écrire que je pensais parce que j'essaie de résumer la pensée de tout le monde et la motivation de tout le monde. Ah, ben, c'est créer de l'information libre et de permettre aux gens de se faire une propre opinion sur ce qui est cool puis ce qui n'est pas cool. Voilà, exactement. Voilà. Bruno, tu nous garoches ta dernière nouvelle. Je suis un vulgarisateur scientifique, dans le fond. Moi. Ben oui, c'est ça que tu fais dans la vie. Excellent. Moi, je suis vulgarisateur à 70%. Pète. Okay, ça va se parler après. Okay. Oh, une nouvelle. Alors, Howard Knopp. C'est un copywriter canadien qui a suggéré que les artistes de qui on utilise la musique pour des fins de torture à Guantanamo Bay devraient recevoir des royautés de performance. En ne considérant pas l'absence totale de droits de cet endroit, les labels et les distributeurs voudront sûrement recevoir de cet argent. Et en plus, pourquoi les terroristes devraient-ils avoir accès à de la musique gratuite? Ben voyons donc. Puis est-ce que t'as une liste d'artistes qui passent pour torturer? J'ai pas la liste des artistes. Ça doit être genre Bette Midler, le Legendary Stardust Cowboy, je sais pas, c'est quoi? Torturer avec ça la musique. Ça risque de voler bas, là. Ouais. Dolly Parton, ouais, c'est ça, dans le fond. Peut-être qu'on est mieux de pas savoir. Ouais, c'est ça. Non, Dolly Parton, une toune, c'est correct, mais mettons genre comme le greatest hits au complet. C'est 14 fois la même toune. C'est juste le fait de passer tout le temps la même toune, peu importe laquelle que c'est, des fois. Ouais, mais hein, une des pires affaires que quelqu'un pourrait me faire, c'est me mettre Horizon en boucle de Genesis, ouais. La vieille, là, 2 minutes d'instrumental gentil. Là, ça loupe. C'est comme un pouvoir que j'ai déjà donné à un bonhomme. Ben, c'est une malédiction. Au début, il pensait que c'était un pouvoir. Mais à toutes les fois qu'il ouvrait une porte, tout le monde entendait haut et fort le début de Born to be Wild. Là, c'était en loop comme ça. Mais c'est un pouvoir de jeu de rôle. On aurait beaucoup. Là. Dans la vraie vie, je pense pas que ça serait cool. Probablement pas. Hey, sinon, on va prendre une petite pause musicale de quelque chose que vous auriez aimé mieux ne plus jamais vous rappeler. Ouais, puis on va revenir pour le dernier segment. C'est mon aventure à moi, ça? Ah non, non. OK, OK. Ah non, non. On va la garder pour une autre fois. C'est trop juteux. Okay. Ça, c'est juste quelque chose que personne... Ah. 30 secondes. On est capable, les gars. À un moment donné, il dit and even if you cry, I'm gonna push it some more. Ouais, ouais. C'est weird. Ça me met pas nécessairement à l'aise. Okay. Je pense que je vais peser pause. J'ai pas été capable 30 secondes. ça pourrait être écrit sur ma tombe. Là, n'a pas enduré Inner Circle en 2008 pendant 30 secondes. Mais il y a aussi, c'est que je veux me garder un petit bout du film. Ben, gars, on va dire merci, on va fermer merci, l'émission. Je vais aller voir la fin bout. Du film. Ouais, merci. Allez au Brouhaha ce soir. Hein? Ah, ben ouais, oui. Puis sinon, douteux.org, la semaine prochaine, on a Ninja Champion, alias Flick ou Ninja. Et contre. contre Bloodsurf, alias Crocodilus. Ben. Un film d'horreur branché. Hein? Oui, c'est ça, c'est varié la semaine prochaine. C'est des ninjas fluo puis de l'horreur branché. C'est pas les des jeunes filles. C'est pas le crocodile fait en fond. Non, là. C'est pas Crocodile Fury, c'est Crocodilus. C'est okay. Un film beaucoup plus récent. Ça date. Attends, un peu, toi. Crocodilus, j'ai pas la date, ça précise, mais c'est passé 2000. Okay. OK. Fait que c'est ça, c'est très récent. Puis le monde sont tous dépourvus d'instinct de survie. Ils s'en vont tourner un documentaire sur un crocodile qui mange des êtres humains après que trois personnes se soient faites disparaître mystérieusement dans l'équipe. Bon, ben ils vont faire du surf dans la rivière. en tout cas, ça pose des questions solides. Sinon, ben je vais lire ici le petit dernier bout de mon texte sur les exterminateurs de l'an 3000. Merci beaucoup Bruno Corbin, Mean Machine, douteux.org, allez voir ça, on a un logo pis tout, Israël. Bonjour. Mot de la fin pis tout, on est blindé. j'ai déjà fait écouter les bouts que vous entendez ce soir à Jean Dion, le sympathique journaliste sportif du Devoir. Il a beaucoup ri. J'ai même sorti cet extrait du texte que je lus jadis à Jean Dion pour présenter les exterminateurs de l'an 3000. Donc, deux points. Maintenant, si on est en l'an 3000, comment se fait-il que les chars du film soient tous des vieux Dodge 76 rouillés? Pourquoi les ordinateurs de l'an 3000 ressemblent-ils à des Vic-20? Pourquoi les coiffeurs des personnages ressemblent-elles étrangement à ce qui se portait autour de 1983? Pourquoi Bowser a jamais fait creuser un trou trop grand pour que Mario réussisse à sauter par-dessus? Ah, j'étais tellement jeune et fou dans ce temps-là. Hein? C'est fou. Donc, vraiment, même pour un film italien du début des 80s, Les Exterminateurs de l'an 3000, c'est particulièrement douteux. C'est steady, c'est constant, c'est plaisant. Les Exterminateurs de l'an 3000, c'est un hit. À moins 7, on peut pas s'attendre à une... En fait, on peut s'attendre à une cavalcade d'originalité anti-innovatrice. Très bien coté sur Rotten Tomato, autant qu'un classique de Nanarlan. Vous l'avez ce soir pour pas cher avec la bonne bière. Les Exterminateurs de l'an 3000. Les Exterminateurs de l'an 3000. Les Exterminateurs de l'an 3000. Les Exterminateurs... Ouf, face à Crazy Bull. Merci les gars, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. T'es encore vivant, Alien? Seulement pour te revoir, Crazy Bull. Pourquoi t'es à pied, l'ami? Qu'est devenue la voiture que tu m'as volée? Tu ne me croiras pas, mais on me l'a volé aussi. Tu as osé me prendre la chose la plus chère que j'avais en ce monde, l'exterminateur. La plus chère! Oui, tu as raison. C'était une voiture fantastique. Mais tu es fou. Seul un fou peut avoir le courage de revenir dans ces parages après ce que tu as fait. C'est mon droit d'être ici. C'est ta dernière erreur. Tu es revenu pour mourir. Que tu dis? Attrapez-le! Attachez ce bâtard entre deux voitures. On va voir si partagé en deux, il parle deux fois plus. Un moment, Crazy Bull. Écoute, si tu me laisses en vie et si tu me donnes les moyens de partir d'ici tranquille, je te mets sur une affaire en or. Parle! Pas avant que tu m'aies donné les moyens de partir. Tu es sur le point de mourir et tu as le courage de m'imposer tes conditions. Allez, parle. Allons, quelle est cette affaire? De l'eau, Crazy Bull. Non. De l'eau. Aucun trésor ne te fera plus riche. Si tu mens, Alien, je te jure que tu le paieras très cher avant de mourir. Crois-moi, Crazy Bull, cette affaire est sérieuse. Je sais où se trouve l'eau. Alors parle. Du calme. Je te dirai où elle se trouve seulement quand j'aurai sous mon cul un véhicule qui m'emporte le plus loin possible de toi. Tu l'auras. Maintenant, Crazy Bull. Pourquoi? T'as pas confiance en moi? Et toi, t'as confiance en qui? Allez, à toi. Et maintenant, où se trouve l'eau? C'est lui qui le sait, demande-lui. Arrêtez-le! Lâchez-moi, lâchez-moi! Laissez-moi, laissez-moi, lâchez-moi! Restez tranquille. T'as entendu ce qu'a dit ton ami? Je ne sais rien. Alien a menti pour sauver sa peau. Tu t'es fait avoir. J'ai un excellent moyen pour savoir lequel de vous deux a menti. Parle. Il n'est pas comme les autres garçons. Il paraît être insensible à la douleur. Si tu sais vraiment où se trouve l'eau, tu as intérêt à me le dire tout de suite. Il ne sent rien. L'Auto-Québec est fier de présenter la 22e édition du Festival international Nuit d'Afrique de Montréal, du 8 au 20 juillet prochain. Avec la diva panafricaine Dobeg Naoré, le groupe mandingue des Go de Coteba, les cinq chanteurs aveugles du Tribo Deja, pionnier du reggae brésilien, et Fallou Diang, le joueur de sabar sénégalais qui fait fureur. Les plus grands noms de la musique du monde viennent à votre rencontre. Le Festival international Nuit d'Afrique, plus de 50 concerts uniques et inoubliables. Pour plus d'informations, visitez notre site au www.festivalnuitdafrique.com ou composez le 514-499-FINA. Family Affairs Productions, en collaboration avec Synergie Contact, Chaussures Eureka et Choc FM, présente Lueur dans l'œil, défilé de mode au profit d'Opération Enfant Soleil. L'événement se tiendra vendredi le 15 août 2008 à 19h au Col Annoté, situé au 5240 Avenue du Parc.